D'avoir répondu à mon appel depuis la page Facebook pour justement sur la, parler de, des 10 règles de base. Lesquelles 10 règles de base sont des principes, comment on appelle, précurseurs ou de, des principes qui vous permettent de mieux vous enraciner dans la voie à laquelle vous vous êtes branché. Que ce soit une voie de l'éveil de l'esprit par ce que j'appelle l'initiation douce, ou bien par l'initiation forte. Laquelle initiation forte n'est autre que à travers la consommation de certaines substances ou la consommation de certaines plantes, telles que le bois sacré ou bien d'autres que nous utilisons au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, je vais droit dans le but du sujet. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de, nous mettrons notre accent sur l'invitation d'aller dans le bois. Qu'est-ce que cela veut dire, aller de temps en temps dans le bois? La terminologie « aller dans le bois », c'est, si vous voulez, le langage hein, qui peut-être peut paraître nouveau pour certains, mais c'est dans des vieux classiques, de l'occultisme, des sciences ésotériques et autres, on retrouve toujours le terme « aller dans le bois ». Mais en notre monde moderne, je pourrais plutôt dire « aller dans la forêt ». Mais est-ce que la forêt encore est adaptée? Je crois, c'est pour cette raison que j'insiste sur le mot « bois ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans tous les pays d'Europe ou les pays, pour ne pas dire les pays européens, qu'on trouve les forêts. Pas dans tout, à ce que je sache. Ces prétendues forêts que nous voyons en Europe ou même ici aux États-Unis, ce n'est pas vraiment forêt. Forêt, on doit plutôt voir, par exemple, le bassin du Congo, qui est la forêt la plus dense, disons la deuxième forêt la plus dense du monde, derrière la forêt amazonienne. Donc, les deux grandes forêts du monde, les plus grandes, hein, parce qu'il y en a d'autres, je vais vous citer, je vous donne la liste. Nous avons l'Amazonie, donc, qui couvre toute la zone du Brésil. Là. Ça, c'est là où on trouve la plus grande forêt. Ça, c'est la forêt dense. Et nous avons le bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt du monde. Et ce bassin du Congo, donc, couvre le Cameroun, le Gabon, le Congo, un peu une partie de la Centrafrique. Et quand je parle de Congo, ce sont les deux Congos. Hein. Parce que quand vous partez à Matadi, vous verrez, c'est la grande forêt dense. Donc, toutes les zones des deux Congos, puisqu'à l'époque, c'était qu'un seul Congo que nous connaissions, toutes ces zones du Congo, Centrafrique, Cameroun, Gabon, toutes ces zones-là, c'est ça, là, la grande forêt. Je peux même dire continue jusqu'en Angola. Mais aujourd'hui, les scientifiques et les Américains, les Européens, quand ils se sont retrouvés, ils ont considéré que c'est plutôt ces trois pays ici, donc le Cameroun, le Gabon et les deux Congos. Voilà ce qui constitue le bassin du Congo. Voilà ce qu'on appelle la forêt. Voyez-vous? Donc, si je veux maintenant appliquer cette compréhension de la forêt ici aux États-Unis, non, il n'y a pas de forêt. Voilà pourquoi donc je maintiens le vieux terme tel utilisé par nos anciens, nos grands maîtres de temps anciens, le bois. Il faut de temps en temps aller dans le bois. Parce que quand vous êtes en Europe, lorsque c'est l'été, vous verrez que les arbres fleurissent, enfin, il y a les fleurs, il y a les feuilles qui reviennent, la verdure reprend. Et là, on parle d'aller dans le bois. L'expression « aller dans le bois » veut dire tout simplement rentrer dans un endroit où il y a des arbres, où il y a de la verdure, probablement, pas nécessairement une verdure à 100%. Parce que là, bientôt, par exemple, ici, nous allons connaître ce qu'on appelle, à partir du mois d'avril, je crois même mars, hein, il va commencer à faire moins froid. Bien. Maintenant, la question qui a été posée, c'est, les gens m'ont posé la question, pourquoi aller dans le bois? Parce que ça fait partie des 10 règles de base. La première raison est la suivante. Le bois. Mais parce que depuis la nuit des temps, depuis le premier homme qui avait été créé, le premier homme qui a été créé sur terre par les dieux, il fut créé dans le bois. Qu'est-ce qui me le fait dire? Lisez les livres sacrés. Dans les livres sacrés, quand vous lisez la Genèse, on nous dit quoi? Le jardin d'Éden. Donc, mot jardin, mais dans le mot jardin, il y a déjà la notion des arbres. Tout. Il y a des arbres, il y a des fruits, il y a des plantes. Voilà. Donc, le jardin d'Éden était bel et bien entouré d'arbres. Et même si on repart dans le début de l'histoire de l'humanité, on nous dira que les dieux avant, les Elohim, donc les dieux avant de créer l'homme, avant de créer les animaux, avant de créer tout ce qui avait souffle de vie, ils ont d'abord créé la verdure. Ils ont d'abord créé la matière. Et laquelle matière provient du Big Bang originel, dont je vous ai expliqué l'accumulation de l'énergie des dieux. Et de cette accumulation d'énergie, il y a eu une décharge. Et c'est cette décharge qui a créé des cratères qui ont créé des volcans. Et les volcans magmatiques qui ont créé finalement avec le refroidissement à long terme, ont créé finalement la matière. Donc la matière provient de l'énergie, selon la définition cosmogonique de l'origine de l'homme sur Terre en tant qu'être humain sur Terre. Mais l'homme est d'essence divine, l'homme est d'essence spirituelle, l'homme est esprit. Donc avant que le monde ne soit créé ici-bas, avant que l'homme ne soit un être exprimé ici-bas, il était d'abord esprit. Ça, il faut le retenir. Il était esprit. D'accord? Bien. Donc, le jardin d'Éden, il y avait le bois. L'homme devait en prendre soin. C'est le bois, c'est le jardin. Et ça s'est étendu. Et aujourd'hui, nous savons où ça se trouve, ce jardin d'Éden. Il n'y a plus de débat dessus. Les grands scientifiques et même des éminents chercheurs religieux sont tombés d'accord que ce jardin d'Éden se trouve bel et bien dans la zone, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. OK? Bon, maintenant, le reste n'est que spéculation. Donc, pourquoi dire, demander à l'homme d'aller dans le bois? Mais parce qu'à l'origine, c'est là où l'homme a commencé sa vie harmonieuse. Parce que souvenez-vous la sanction qui avait été imposée à l'homme. Puisque maintenant tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Bon, c'est vrai que ce n'est pas à prendre au sens littéraire. Puisque tu as mangé du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, eh bien, on va te faire sortir de ce jardin. On va te faire sortir donc du bois. On va te faire sortir du bois parce que si on te laisse là, ben, tu finiras par toucher l'autre arbre qui est l'arbre de la vie éternelle. Parce qu'il y avait deux arbres, hein. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolisé par le fruit, et il y avait l'arbre de vie. Pour ceux qui sont religieux, vous pouvez aller vérifier dans Genèse chapitre 3, verset 14, 22-24. Surtout le verset 22 et 24. Et là, on vous dira, les Elohim vont vous dire que ben maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal, puisqu'il a maintenant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait. C'est de là où il a maîtrisé la connaissance du bien et du mal. C'est là où il a eu cette maîtrise du libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, par cette décision, donc, l'homme est maintenant libre. Mais seulement, comme il est devenu l'un d'entre nous, évitons qu'il aille toucher à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie, c'est quoi? Du point de vue spirituel et au niveau de compréhension où je suis, cet arbre de vie symbolise l'immortalité. Les religieux vont dire que ça symbolise l'éternité. Les scientifiques aujourd'hui, oui, alors je vous parle, puisque je vous parle toujours des bourses, là, j'ai misé mon argent dans les bourses. Et dans les bourses actuellement, il y a une grande société biotech qui permettrait à. Mais là, ça coûte cher, hein, le produit en question est sur le marché. Ça n'a rien à voir avec celui-ci que je vous ai exposé. Mais celui-ci était déjà un avant-goût, le Total Health. C'était déjà un avant-goût de ce nouveau médicament qu'ils ont mis sur le marché. Parce que celui-ci coûte 310 dollars par mois. Et je vous dis, ça fait plus de 5 ans que je consomme ça. 310 dollars par mois, qui équivalent à peu près de 160 à 180 000 francs CFA que je paye par mois pour avoir ces 30 sachets qui sont là-dedans. D'accord? Voilà comment ça se présente. Il y a une partie que vous prenez le matin et l'autre le soir. C'est un ensemble des nutriments, des plantes naturelles mis sous les formes de gélules que vous consommez deux fois par jour pour tout dans votre corps. Donc, ils appellent ça le Total Health, c'est un peu le synonyme de la vie éternelle. Il y a certains qui prennent ça et qui arrivent à la centenaire. Mais maintenant, ils ont trouvé un autre produit plus performant que celui-là. Et celui-là, actuellement, il n'y a que les riches qui sont. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est même pas vendu à n'importe qui. Même celui-ci, déjà, c'est caché quelque part. Quand je fais la publicité auprès des amis, ils me disent, mais t'es fou, toi, tu as payé 310 dollars pour. Je dis, bon, mais tant mieux. Ils ne savent pas que c'est ça le secret de la vie. Bon, maintenant, aujourd'hui, parlant de l'arbre de vie, justement, les scientifiques, ils ont trouvé cet arbre de vie. Alors, je vous parle, aux États-Unis, ils ont mis en place, avec le concours des Japonais et des Canadiens, une nouvelle technique qu'on appelle la biotech. Et cette biotech permettra à l'homme, désormais, de vivre de plus de 50% de la vie moyenne qu'on avait aux États-Unis, par exemple, de 80 ans, ils peuvent aller maintenant au-delà des 150 ans, sans avoir apporté une canne ou sans avoir une cellule quelconque qui s'est détruite. Donc, l'homme, petit à petit, arrive vers cet arbre de vie. Donc, c'est toujours sur la notion du bois, hein, rassurez-vous, je ne suis pas hors sujet là. L'homme, quand il vivait dans le bois, quand il vivait dans ce jardin qui symbolise le véritable temple, en fait, c'est là le point qui va nous permettre de développer cet enseignement aujourd'hui. Pourquoi je vous dis qu'il faut aller de temps en temps dans le bois? Mais matériellement, quand vous partez dans le bois, quand vous partez matériellement et réellement dans la forêt, mais c'est là où vous êtes éloigné un peu de tout ce qui vous bombarde tout au long de la journée. Vous remarquez que durant l'été, il y a beaucoup d'activités qui se passent dans le bois. Ceux qui sont en Europe peuvent me témoigner. Ceux qui sont ici aux États-Unis peuvent me témoigner. Les gens ont une forme de souffle de vie. Les gens ont une forme de ouf lorsque le mois de mars arrive. Ouais, mon Dieu, on compte. Avril, mai, ouais, il reste encore 2 mois. Ils sont tellement contents qu'ils veulent que l'été revienne. Parce que c'est durant l'été que la vie renaît. La vie renaît comment? Parce que la verdure revient. Les arbres ressuscitent de leur mort. Parce que de novembre jusqu'au mois de février, les arbres sont morts. Ah oui, ils sont morts. Mais en fait, ils dorment, ils sont endormis. Et à partir du mois de mars, avril, ben vous constatez que la verdure commence petit à petit, petit à petit. C'est pas ce qu'on appelle le printemps, non? Voilà, ça commence à venir. Donc, parce qu'il y a 4 là. Il y a l'automne, quand les feuilles tombent et tout, les arbres commencent à tomber. Et nous avons l'hiver. Et après l'hiver, il y a le printemps. Et de le printemps, il y a l'été. Voilà les 4 temps et les 4 cycles de la vie. Mais pendant ces 4 cycles, l'homme vit. Vous comprenez? Donc, l'homme, je vous parle de l'homme de manière générale, hein, avec grand H, donc homme comme femme. Sur le cheminement spirituel que vous vous êtes embarqué, ou bien que vous voulez vous embarquer, que ce soit la religion, que ce soit la religion traditionnelle, que ce soit la religion occidentale, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter, votre objectif, c'est quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi, en fait, vous voulez y adhérer? La plupart des gens vous dira que c'est pour recevoir la bonne nouvelle, l'évangile, the gospel, la bonne nouvelle. Maintenant, moi, en tant qu'initié des grands principes, qui maîtrise un peu toutes ces connaissances, moi, je peux modifier cette bonne nouvelle comme étant des messages, avoir accès à l'éveil de votre conscience. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que vous viviez dans l'ignorance. Il faut aller de temps en temps dans le bois. Première phase, je vais vous donner cet enseignement sur 2 phases. Il y a littéralement aller dans le bois et il y a la deuxième phase, je vous parlerai de quel bois il s'agit. Il y a une compréhension à la fois physique et à la fois métaphysique, si vous me permettez l'expression. Nous sommes sur la compréhension physique. Il a été prouvé scientifiquement que le fait d'aller constamment dans le bois, ça vous apporte une bonne santé. Et la science nous apprend que la meilleure oxygénation que l'on puisse avoir, c'est d'être au milieu des arbres. Parce que là, vous recevez l'air naturel. Aujourd'hui, les grandes organisations mondiales, en la tête desquelles l'ONU, qui travaillent en collaboration avec la plupart des scientifiques et des scientistes du monde, ils sont tombés d'accord que le bassin du Congo, à lui seul, est capable de fournir 70% de l'oxygène sur toute la planète Terre. Parce que déjà, le Brésil, au niveau de l'Amazonie, mon Dieu, si vous allez aujourd'hui au Brésil, vous allez crier au scandale. Dans l'Amazonie, on ne trouve plus cette grande densité forestière, le rainforest, qu'on appelle en anglais. On perd cela. Et on a encore la chance qu'au niveau du bassin du Congo, même s'il y a un vrai massacre dans la zone du Gabon et du Congo, je parle là du Congo RDC, mais les organismes internationaux se battent. Je tiens ici à féliciter beaucoup d'activistes qui se battent pour la préservation de notre environnement au niveau du Gabon. Et cela est très important. Sinon, si on ne le fait pas, on va descendre de 70% à 50%. Et les Américains, les Européens, ils sont conscients. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos terres africaines sont convoitées par les Européens. Beaucoup sont en train de descendre vers l'Afrique. Ils descendent vers l'Afrique. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela parce que quand on vous donne un enseignement, il faut bien comprendre le sens profond de cet enseignement-là. Ce n'est pas pour venir, si vous voulez, comment dirais-je, venir juste pour parler. C'est très profond ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous prie d'être toujours branché, s'il vous plaît. Toujours branché, parce que c'est très important ce sujet. Il va nous aider à comprendre pas mal de choses pour avancer dans ce débat. Donc, aller dans le bois, c'est simplement un retour aux sources. Vous êtes tellement bombardé par le bruit, à la maison, au travail, à l'école. Et même vos pensées, vous ne pensez plus correctement. La télévision, le téléphone. Et je vous ai dit que durant l'été, vous verrez qu'il y a beaucoup de programmes qui sont organisés dans les pays d'Abraham. Les gens y vont là-bas, des tentes qui sont formées. Il y a même des gens qui dorment pendant 3 mois. J'en sais quelque chose parce que j'étais au Havre. Et comme vous le savez, le Havre, le deuxième port le plus important de l'Europe, l'une des belles villes de la France, des gens y vont au Mont-Saint-Michel. Là, on devait avoir... Bon, le Mont-Saint-Michel, c'est un peu plus loin que là. Mais c'est un peu le même décorium, là. Le Mont-Saint-Michel, c'est pour cela qu'on avait choisi le Mont-Saint-Michel, d'ailleurs, pour le prochain séminaire. Parce que quand on a fait l'expérience du Havre, mais c'est très beau, les gens vont dormir là-dedans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on vous demande d'aller dans le bois? Mais parce que, un, naturellement, sans associer une spiritualité quelconque, vous vous sentez nouveau, vous vous régénérez, vous sentez une forme de... Vous sentez qui vous êtes, vous sentez votre corps vibrer, en fait. Parce que vous êtes loin du bruit des automobiles, vous êtes loin du bruit des usines et tout le reste. Donc, vous vous retrouvez là. Ça, c'est loin de la compréhension spirituelle. Donc, en un moment, vous retrouvez cette paix. Des hommes riches, hommes comme femmes, on les voit souvent balader dans le bois, pour ne pas dire dans ces soi-disant forêts de blancs. Ils se baladent là-dedans, avec le chien. Ils se sentent mieux. C'est là-bas où ils vont se ressourcer. C'est là-bas où ils vont trouver des idées nouvelles. Et on a vu même beaucoup de gens pour écrire les livres, pour préparer les films. Même la plupart des films, les meilleurs films sont faits qui attirent l'attention des gens. C'est souvent les films qui sont tournés dans la mère nature, le bois. Parce que cela est très important de le retenir. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, deuxième aspect, toujours dans le bois, vous qui êtes spirituel, il est recommandé de vous asseoir là au milieu des arbres, de réfléchir, de méditer si vous voulez, bien que ce n'est pas nécessaire, mais d'être un peu vous-même, d'être coupé un peu du monde extérieur. Lequel monde extérieur? Ce qu'on appelle monde extérieur, c'est quoi? Mais c'est le monde d'artifice, le monde artificiel. Les bâtiments en étage, les bureaux climatisés, les BMW, les Bentley, toutes ces grosses voitures qui pompent à des vitesses de la lumière et autres, les avions, tous ces bruitages, les querelles dans les foyers, le bruit des enfants, les mauvaises humeurs. Et lorsque vous êtes coupé de ce monde, allez-y vous ressourcer un peu auprès des bois. Et quand vous êtes dans le bois, voici l'exercice pratique. Commencez à parler intérieurement, bien sûr. Vous parlez intérieurement en disant, je viens décharger mes problèmes ici. Je viens décharger mes problèmes ici parce que c'est la mère nature. Parce que c'est ici où je retrouve mes origines. C'est ici que je peux retrouver la vie. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Nous allons mettre une petite pause là parce que j'ai envie de m'occuper de quelque chose là rapidement. Donc, je vais vous mettre une petite pause là et vous permettre de toujours réfléchir sur ce chapitre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Bien. Vous allez donc dans les bois et essayez de faire ce qu'on appelle la réalisation de soi. C'est-à-dire, vous coupez de tout ce que vous aviez, de là où vous viviez, tout ça. Vous coupez complètement. C'est une manière pour vous de vous mettre en communion avec l'esprit original. L'esprit original, c'était le jardin d'Éden. Lorsque l'homme fut créé, on l'a mis dans le jardin d'Éden. L'objectif, c'est qu'il en prenne soin de ce jardin d'Éden et que ce jardin d'Éden, qui était un esprit de vie, d'éternité, de bonheur et de vivre au milieu de cette belle nature. Les Blancs quittent l'Europe, je vous le dis. Beaucoup de Blancs sont en train de partir vers l'Afrique, acheter, s'approprier de nos terres. Chez moi au Gabon, mais je vous dis que les étrangers sont en train de s'accaparer de nos terres. Ah oui, c'est très important ça, parce qu'ils savent. J'insiste encore, chez nous au Gabon, je connais un endroit où des Américains et des Français sont allés s'installer au milieu de la grande forêt gabonaise, quelque part. Ils ont acheté toutes ces zones-là. Je ne sais pas s'ils ont acheté avec la permission de qui, je ne sais pas. Ils ont conçu des bungalows et ils vivent là-bas. Il y a la rivière, les poissons sont là. C'est tellement beau. Ils ont amené des groupes électrogènes qui ne font pas de bruit. Je crois que Sogam Équipe vend ces groupes électrogènes. Quand j'étais au Gabon, je m'en souviens, ces groupes électrogènes existent. Parce que vous pouvez acheter des groupes électrogènes qui marchent avec du gasoil, ils peuvent faire du bruit. Et il y a d'autres qu'on appelle les groupes électrogènes silencieux. Ils les ont là-bas, ils vivent. Des gros arbres. Alors imaginez-vous, ces Blancs-là, ils font payer les autres Blancs quand ils viennent visiter le Gabon. Ils rentrent dans ces zones-là. Par jour, ces mecs-là payent l'équivalent de 200 000 francs CFA la nuit. Deux fois, ils reçoivent une vingtaine de personnes. Imaginez-vous. Ça fait combien? Ça fait 4, si je ne me trompe pas, 400 000 par nuit, 4 millions. Et ils se font de l'argent comme ça. Bon, bref, ils sont allés s'installer parce qu'ils ont vu que ça, c'est la mère nature. Et il y en a beaucoup qui ont fui les pays des Blancs, allés s'installer, ils achètent les terres en Afrique. Et pendant ce temps, nous, on a la tendance de fuir l'Afrique pour aller là-bas, pour venir ici, là, vivre dans le froid, parce qu'on cherche les opportunités. Je suis d'accord, les opportunités, c'est quoi? Mais vous fixez vos objectifs, vous prenez votre argent. Bref, ce n'est pas ça l'objectif, l'enseignement. L'enseignement de ce soir, pourquoi vous devez aller dans le bois? Si vous allez dans le bois, c'est pour vous ressourcer. C'est pour vous couper du fardeau des problèmes qui ont affecté votre corps mental, votre corps psychique. En d'autres termes, tous les empoisonnements que vous avez subis de l'environnement direct ou indirect, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit à la maison, c'est pour cela qu'il vous a recommandé d'aller dans le bois. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui doit aller dans le bois, puisque cette question m'a été posée, mais mon Dieu, on va être un moine maintenant, aller vivre dans le bois. Je ne l'ai pas dit, moi. Vous pouvez vivre dans le bois étant chez vous. Ça, on appelle ça l'isolement psychique. Dans cet isolement psychique, c'est-à-dire, vous vous coupez. N'avez-vous jamais remarqué les gens qui vont poser la question, mais est-ce que ça va? Mon frère, est-ce que tu es avec nous? Ma soeur, est-ce que tu es ici? Oh oui, ça va, ça va, ça va. Mais en réalité, cette personne est où? Elle n'est plus extérieurement avec vous, mais elle est intérieurement avec un autre monde, comme vous ignorez. Alors, aller de temps en temps dans le bois, vous pouvez le faire également étant chez vous, étant à votre lieu de travail, donc à votre bureau, étant dans l'avion. Mais quand vous avez atteint un bon niveau avancé, vous pouvez le faire même dans l'usine. D'essentiel que vous ne soyez pas en activité physique intense. D'accord? Aller de temps en temps dans le bois, c'est aussi rentrer à l'intérieur de soi. Mais le fait de rentrer à l'intérieur de soi veut dire quoi? C'est ça que nous appelons, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'isolement psychique. Vous vous coupez du monde extérieur physique, mais en réalité, physiquement, les gens pensent que vous êtes là, mais vous êtes coupé. Mais vous rentrez dans le monde psychique. Mais rentrer dans le monde psychique veut dire quoi? C'est que vous rentrez dans ce qu'on appelle le self-examination, donc dans votre propre examen intérieur. Vous vous examinez intérieurement. Et c'est dans cet examen intérieur que vous aurez un peu de la mélancolie hein, par rapport à certaines choses que vous avez dû faire, mais aussi de la joie parce que au fur et à mesure que vous allez vous habituer à faire ce genre d'entrer dans le bois spirituel, donc de rentrer en vous, ça va vous permettre d'avoir la réponse à beaucoup, beaucoup de questions. Voilà donc, succinctement et brièvement, pardonnez-moi d'avoir été long, quand on vous dit de rentrer dans le bois, rappelez-vous que c'est d'abord une tradition ancienne. Rappelez-vous que depuis le début de la création, l'homme a toujours vécu dans le bois. La preuve, l'homme fut mis dans un jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden, on a découvert que c'est dans la grande forêt du bassin du Congo. C'est ça, le jardin d'Éden. L'homme a toujours vécu dans ce milieu-là. Et on se sent mieux dans ce milieu. La science a prouvé que les gens qui vivent à Okinawa, ils sont les gens qui vivent le plus longtemps sur la planète Terre. J'ai été à Okinawa. Mais mon Dieu, c'est des centenaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent 100 ans et plus qui vivent là-bas. Savez-vous pourquoi? Mais parce que toute la nature, ils ont les arbres. C'est une île qui a même demandé l'indépendance. Cette île a demandé l'indépendance vis-à-vis du Japon. Donc, l'empereur japonais s'est même fâché. Le premier ministre japonais a lutté. Mais ils ont dit, c'est pas grave. C'est comme si vous imaginez que la ville de Port-Gentil demande l'indépendance vis-à-vis du Gabon. Que nous, nous avons notre pétrole, on en a marre. Bon, on est Mologué maritime, donc Port-Gentil, Umbwe, Gamba disent, nous, on est coupés du reste du Gabon. On va choisir notre propre président. Et puis, c'est fini, on n'entend plus parler du reste du Gabon. Donc, Okinawa a fait la même chose. C'est une île indépendante. Et pour votre information, j'en sais quelque chose, puisque c'est là-bas où, de temps en temps, sauf cette année où je ne suis pas parti, mais l'année prochaine, je prévois un voyage. Chaque année, je vais là-bas pour faire des recevoir des séminaires et des stages auprès des grands maîtres de karaté. Parce que Okinawa, c'est le centre mondial du karaté traditionnel. C'est là-bas où est né le karatédo. Quand c'est parti de la Chine, c'est l'Okinawa qui garde les véritables armes. Si vous voulez, c'est l'âme centrale de tous les arts martiaux du monde. Si vous voulez vraiment être le... Si vous voulez, Okinawa est comme le Vatican des arts martiaux. Voilà, si vous voulez. Okinawa, c'est le Vatican des arts martiaux que vous voyez à travers le monde. Bien que, historiquement, on sait que c'est venu de l'Afrique. Mais ils ont su, partant de l'Afrique, ça a été développé en Chine, et de la Chine, eh bien, il y a des gens qui ont fui et ils ont amené ça là-bas à Okinawa. Donc, les gens à Okinawa, je prends l'exemple d'Okinawa parce qu'Okinawa, ils vivent dans le bois. Le dojo, tout autour, il n'y a que des bois. Tout est fait à base de bois. Vous ne verrez pas du fer n'importe comment. Les Américains ont essayé de faire ça ici. Les poteaux électriques sont faits à base de bois. Bref, quand on vous demande d'aller dans le bois, c'est pour retrouver votre vie, c'est pour retrouver votre origine, c'est pour vous reconnecter avec l'origine. Et spirituellement parlant, c'est pour vous permettre de créer ce vide ou encore cette connexion avec l'autre. De créer le vide, l'isolement psychique. Cet isolement psychique vous permet donc de vous connecter avec l'autre. Vous vous isolez dans votre psychique. Votre esprit rentre donc à l'intérieur pour vous connecter avec l'esprit universel. Et dans quel but? Mais c'est dans le but justement de vous épanouir, de vous émanciper et d'évoluer maintenant et de mieux appliquer vos connaissances, que ce soit les connaissances livresques, que ce soit les connaissances ésotériques, que ce soit des connaissances religieuses, que ce soit des connaissances je ne sais de quoi. J'ai un livre écrit par un grand Tibétain qui a dit que lorsque vous avez l'habitude de rentrer dans le bois, vous allez permettre à votre âme de mieux se connecter avec l'âme universelle. Lorsque l'on est devenu absolument maître de son âme, tant ici-bas que dans d'autres plans, alors, suivant votre guide unique, qu'est l'intelligence qui est libérée de toute épreuve, libérée de toute persécution, et enfin, vous pouvez vous élever au rang d'un Dieu immortel. Voilà l'objectif quand on vous demande de ne pas, d'aller de temps en temps dans le bois. Parce que quand vous allez de temps en temps dans le bois, ça élève votre âme. Et c'est ainsi que votre âme va se connecter avec l'âme universelle. Voyez-vous? Voilà la raison pour laquelle, sur ce deuxième commandement, qui vous demande de faire quoi? D'aller de temps en temps dans le bois. Mais retenez que quand on vous demande d'aller de temps en temps dans le bois, il ne s'agit pas d'aller littéralement dans le bois là-bas. Maintenant, vous qui êtes au Gabon, qui êtes en Afrique, vous avez la forêt, c'est bien beau. Mais appliquez ceci à partir d'aujourd'hui, que de temps en temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir une formule magique. C'est vrai qu'au cours des séminaires, j'enseigne aux gens comment justement méditer dans le bois. Mais ici, il ne s'agit pas d'une technique de méditation. Ici, il s'agit seulement d'une technique de souvenir, une technique de remémoration, une technique de détachement corps-objet, naturellement, sans pourtant penser à une bilocation quelconque, ou encore simplement la reconnexion de votre âme avec l'âme universelle, afin de permettre votre âme, par cette habitude-là, l'âme va commencer à se connecter petit à petit, sans aide d'exercices ésotériques complexes, se connecter avec l'âme universelle. Et vous verrez que vous aurez certaines intuitions, vous aurez l'impression que vous écoutez certaines voix. Ça, c'est naturel, hein, sans avoir à faire un rituel quelconque. Donc, n'oubliez pas que ces règles et principes de base sont établis ici pour vous aider à mieux pratiquer votre religion. C'est tout. Parce qu'une religion sans principe de base est une religion qui est morte. C'est une religion qui devient une religion mécanique. Ça devient de la mécanique. Allons-y à l'église. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Allons-y à la mosquée, alhamdulillah. On va faire notre salat, al-fatiha, bismillahi rahimanir, et ainsi de suite. Mais quand vous ressortez de là, vous êtes le même. C'est-à-dire, vous pataugez dans les mêmes bêtises, vous pataugez dans les mêmes sottises, vous faites les mêmes choses et vous tournez en rond comme ça. Mais par contre, lorsque vous avez déjà ces quelques règles de base que j'appelle des règles basiques, des bases de données, pour pouvoir vous booster à votre croyance ou à votre religion, vous verrez que ce serait différent. Parce que hier, nous parlions de couper les électroniques, parce que les électroniques vont vous rendre de mauvais services. Je ne veux plus revenir dessus. Et aujourd'hui, on nous a dit les bénéfices de rentrer dans l'arbre, dans le bois. Il y en a des bénéfices. Quand vous rentrez dans le bois, vous verrez que, là, je vous ai demandé la question qui a été posée, pourquoi? Je vous ai donné le pourquoi. Mais je ne vous ai pas donné les bénéfices. Et il y a plusieurs bénéfices. Je peux déjà vous donner les grenages. Je peux vous égrener ces bénéfices-là. Vous aurez la paix de l'esprit. Vous deviendrez moins agressif. Vous allez détester le bruit. Et vous allez avoir l'impression que vous entendez des voix. Ça n'a rien à voir avec les troubles mentaux qu'on appelle schizophrènes. Non, non, non, non. Les voix que vous allez entendre, ce sont des voix des entités. Pourquoi? Mais parce que c'est dans le bois, pour vous dire la vérité. C'est dans le bois que se trouvent les génies. C'est dans le bois. Maintenant, quand vous êtes un grand maître, quand vous êtes un maître comme votre humble serviteur, je ne suis pas obligé d'aller dans le bois pour les rencontrer. Mais ils vont me suivre partout où je serai. Mais vous qui êtes encore débutant, vous qui n'avez pas encore, qui recherchez toujours les solutions à vos problèmes, et pourtant partez à l'église, pourtant partez à la mosquée, mais vous cherchez encore les solutions à vos problèmes là, ces entités-là ne vont pas venir vers vous n'importe comment. Parce que le véritable temple universel, c'est la forêt. Voilà pourquoi les religions traditionnelles, souvent, vont dans la forêt pour avoir tout ce qu'il faut pour vous aider. Les compagnies pharmaceutiques pour trouver la guérison de l'homme vont dans les forêts. Les vrais poissons qui donnent la guérison, on les trouve dans les eaux profondes du Congo, les eaux profondes du Mexique, les eaux profondes du Brésil. Parce que c'est là-bas où on trouve des poissons qui donnent la vie. Je vous donne l'exemple d'un poisson qu'on appelle la gymnote. On appelle ça le poisson courant. Il y en a plein dans le lac Azingo. Il y en a plein ici, là, en Amérique machin, l'Amérique du Sud, et même en Amérique centrale, au Brésil. Mais savez-vous ce que le poisson courant fait? Le poisson courant est un poisson mystique. Et ça coûte très cher. Hein? Je me suis renseigné auprès d'un ami là. J'ai vu ça dans un machin mexicain. Je dis, what? Il dit, yeah, it's here. Un petit morceau comme ça là, on vous le sert dans le restaurant, mais à 13 ans. C'est même plus cher que lorsque vous irez dans un marché, dans un restaurant japonais, on vous vend la chair. Parce que la viande la plus chère chez le japonais, c'est la viande de la baleine. Un morceau comme ça peut vous coûter jusqu'à 1000 dollars. Un tout petit morceau. 1000 dollars qu'on vous sert avec beaucoup de feuilles. Parce que ça vous donne la longue vie. Nous également, moi j'ai appris ça de mon grand-père. Lorsqu'il était en vie, il était encore sur terre. Je ne vais pas citer son nom, puisqu'il est là, il m'écoute, il a m'écouté. Il m'avait dit que la gymnote, le poisson courant, lorsque vous mélangez ce poisson courant avec certaines feuilles, on vous fait manger. Et ce poisson courant était interdit à un homme qui n'était pas circoncis de manger ça. Sinon, votre phallus ne va jamais bien fonctionner. Mais une fois qu'on vous a circoncis, il y a un mets spécial qu'on vous préparait. Et dans ce mets, il y avait le poisson courant dedans. Ça, je vous parle du rite Kota. D'accord? Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, parce que moi, j'étais circoncis par le peuple Kota à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans. Donc, le poisson courant renferme beaucoup de pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que, pour me résumer ceci, quand on vous parle d'aller dans le bois, c'est la forêt. La forêt, c'est là où se trouve le temple de Dieu. Pourquoi le temple de Dieu est dans la forêt? Parce que c'est là dont vous trouvez les produits pharmaceutiques. C'est là où vous trouvez tout pour manger. C'est là où vous trouvez la vie. C'est là où vous trouvez les bananes. C'est là où vous trouvez tout ce que vous allez pour vivre. Tout ça vient du bois. Vous ne pouvez pas planter les bananes ici. Aux États-Unis, on ne plante pas ça. Parce que c'est un désert. Ça vient d'où? Du Brésil. Ça vient d'où? De l'Afrique. Ça vient d'où? Costa Rica. Costa Rica, on plante même l'iboga là-bas. Je vous avais parlé ça la dernière fois. Mais parce que Costa Rica, un autre pays là, les Philippines, Bornéo, la Thaïlande, le Gabon, le Congo, le Cameroun, voilà autant de pays qui sont à 0 degré de l'équateur où il y a la grande forêt. Et c'est là où on trouve tous les médicaments de toutes les maladies du monde, les plus inguérissables. C'est là-bas. Tant qu'on ne va pas. Quand vous voyez les Blancs qui font la politique, non, il faut vacciner les Africains du corona, ceci, cela. C'est du banditisme. Ils savent que le vrai médicament se trouve chez nous. La preuve en est que le président malgache, souvenez-vous, il est le premier à avoir trouvé le médicament contre le Covid. L'OMS l'a chassé comme un délinquant. Mais le gars a dit, je m'en fous pour me chasser. Moi, mon médicament est là. Bref, retenez pour résumer que lorsqu'on vous demande d'aller dans le bois, c'est pour aller prendre aussi votre pouvoir. C'est pour vous demander de rentrer en connexion avec le temple de Tétamouanga. Parce que dans le bois, dans la forêt, c'est là où se trouve le temple de Dieu. Moi, je regrette, je vous dis, je le dis même à mes gens là, je dis non, donnez-moi ma retraite anticipée, je vais partir. Il dit non, non, non, non, il te faut au moins travailler pendant 15 ans. Je dis, à 13 ans, je vais encore attendre 7 ans, ça a commencé comment? Donnez-moi le peu qu'il y a. Mais pourquoi? Mais parce que je le sais et je souffre que c'est dans la forêt, même si le Gabon ne veut pas me recevoir. Donc, je vous ai bien dit la dernière fois qu'il y a 4 pays en Afrique qui m'ont proposé d'aller vivre là-bas. Tranquille. 4 pays. 2 sont de l'Afrique centrale. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a le Rwanda et le Congo. Moi, je vous ai dit, au Congo-Brazzaville, j'ai ma maison. À Mpaka. Il y a le Ghana et la Tanzanie. Voilà les pays qui m'ont proposé que tu viens comme tu veux. Tu vas t'asseoir. Tu vas vivre ici. Tu vas nous amener un peu ta science là. Voyez-vous? Mais pourquoi je pleure? Parce que là-bas, on trouve, il y a la forêt. Pourquoi je vais être dans la forêt? Parce que j'ai envie de vivre dans la mère nature. Ici, là, il y a trop de pollution. Je tiens debout là, mais c'est grâce aux entités. Je dirais cela, grâce à Dieu, je vous dis. J'en ai terminé, j'ai trop parlé. Avez-vous des questions? Pour que je vous laisse partir. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vous ai promis que je serai bref, je ne ferai même pas 1 heure. Voilà, je fais exactement 42 minutes. À vous la parole. Avez-vous des questions? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, eh bien moi, je vais vous quitter. Je vais clôturer par la musique de chez nous. Bien, j'ai déjà noté trois questions. Je vois trois questions. La première question est de savoir, attendez, sauf si je me trompe, je vais revenir là sur l'écran. Y a-t-il un risque de rencontrer des mauvais esprits dans les bois? Oui et non. Oui, parce que beaucoup de sorciers, beaucoup, si vous voulez, des opérateurs magiciens, souvent c'est dans les forêts qu'ils vont faire des travaux de dépossession. C'est-à-dire, ils vont déposséder des gens qui sont possédés par certaines forces maléfiques. Donc, l'opérateur, si ce n'est pas quelqu'un comme moi qui maîtrise très bien, parce que quand vous allez faire votre travail d'exorcisme, il faut savoir que la forêt n'est pas le lieu par excellence d'aller chasser vos esprits. Moi, quand je veux faire un travail d'exorcisme, il y a deux endroits que je choisis. Je choisis la mer et je choisis le feu. C'est-à-dire, il y a un cérémonial qu'on fait. Et quand on fait ce cérémonial, on met un grand feu autour de tous ceux qui assistent au cérémonial. Et c'est pendant ce cérémonial-là que moi, je fais mes incantations avec tous ceux qui vont être associés avec moi. Et c'est de là où je vais jeter tous les esprits qui attachent ces mecs-là. Mais quand vous partez dans la forêt, et ce qui est monnaie courante, malheureusement au Gabon, j'ai constaté cela, et même en France, quand j'étais au Havre, j'ai vu beaucoup de petits fétiches qui étaient attachés sous des pieds d'arbres à gauche et à droite. Mais ces fétiches qui sont attachés, là je suis en train de répondre que oui, vous pouvez rencontrer de mauvais esprits. Je réponds à cela. Pourquoi? Mais ces mauvais esprits, en fait, ont été amenés par des magiciens, amenés par des prêtres, des pasteurs, qui vont soi-disant aller exorciser les malades. Mais je vous informe, s'il y a des pasteurs et des prêtres qui me suivent, la forêt n'est pas l'endroit par excellence pour pouvoir aller chasser des esprits n'importe comment. Si vous le faites, vous verrez même que nous-mêmes dans le Boueté, ou encore dans d'autres pratiques du Gabon et au Brésil, dans la Macumba, souvent quand on va exorciser quelqu'un, on l'amène où? Mais c'est souvent au bord d'une rivière, dans les eaux. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. C'est souvent soit dans les eaux qu'on doit enlever tous ces machins-là, parce que les eaux vont s'en occuper, les génies des eaux vont s'en occuper, les esprits vont fuir et rentrer dans l'eau. Vous allez les condamner, et il y a un rite qu'on fait. Ou bien dans le feu, et vous les brûlez. Ce n'est pas vous qui brûlez, mais vous donnez autorité. Et puisque les esprits de l'au-delà, tête à moi, l'être suprême vous écoute, et il y aura automatiquement des rites. C'est pour cela on vous demande de maîtriser les démons et les anges. Hein? La technique de la cabale de M. Abraham Lelomage, on vous demande justement, parce que toutes les 20 minutes, vous avez 4 démons et 4 anges. Voilà, c'est dans ce genre de situation où vous allez faire appel à vos 4 démons de se charger d'envoyer ce mec-là vers ses frères démoniaques pour s'occuper de la punition de ces démons-là dans le feu. Donc, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que, justement, je le répète, il y a les gens qui pensent que la forêt est une poubelle. Et malheureusement, c'est le cas. Beaucoup vont souvent aller exorciser les gens et dans leur technique d'exorcisme, ils laissent ces esprits-là sans savoir où il faut les envoyer. Ne prenez pas mal ce que je dis. Les femmes d'Injembe, du Bouiti, de toute autre société secrète gabonaise et africaine de manière générale, et même dans les rites de la confrérie du roi Makoko, c'est souvent dans les grandes forêts. Ah oui, j'ai vu cela à Dolisie, à Pointe-Noire, j'ai vu ce genre de pratiques-là. Mais les gens, les maîtres qui font ça, les prêtres qui le font, quand ils vont le faire dans la forêt, ils doivent faire de grandes cérémonies de non-retour et de non-hantise ou de non-hantise de la forêt. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen qui viendra là ne doit pas être effrayé par ces esprits-là. Mais si ces esprits que vous dites qui peuvent apparaître, ce n'est pas faux. Moi, j'en ai croisé, j'ai vu. C'est pour cela qui est avec moi au séminaire. La vidéo est là. Souvenez-vous du rite que je vous faisais, non? Maintenant, je vous en parle. Personne ne m'avait jamais posé la question pourquoi je fais tous ces gestuels-là entre deux arbres. Mais parce que, non seulement j'ai demandé l'autorisation des génies de la forêt du Havre de me permettre de rentrer là-dedans parce qu'ils ne me connaissent pas, mais en même temps, vous protégez pour que vous soyez à l'abri de la peur et des attaques des esprits, même que les grands, la plupart des sorciers. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique. Même les Blancs le font. Ils vont jeter ces esprits-là dans la forêt. Donc, oui, la réponse est oui. Maintenant, non. Pourquoi je dis non? Mais Tétan Mwanga, quand il a créé la forêt, ce n'est pas un lieu de résistance, un lieu de résidence des démons. Parce que même les démons, quand ils fouillent dans la forêt, mais ils vont chercher la tranquillité. Et ce n'est pas facile que ces démons-là vous attaquent, parce que la majorité des esprits qui sont dans la forêt, je vous ai dit que la forêt, c'est le temple de Dieu. Mais comme c'est le temple de Dieu, savez-vous qui assure la garde? Je ne vais pas citer les noms. Mais c'est des grandes entités qui sont au contrôle d'un autre encore, comme interdit de citer le nom. Ceux qui sont initiés à la cabale connaissent le nom de cet archange-là, qui est le dieu solaire de la planète Terre, qui est au contrôle de la Terre. Maintenant, au-dessus du dieu solaire de la planète Terre, il y a 4 grandes entités que vous connaissez, je peux citer leur nom. Il s'agit de Michael, Gabriel, Raphaël et Auriel. Donc, ces mecs-là, ils sont au-dessus du dieu planétaire. Je parle de la planète Terre. Maintenant, chaque planète a un dieu planétaire, pour votre information. Maintenant, les 12 planètes sont sous le contrôle même de ces 4 grandes entités que vous appelez les archanges. Mais au-dessus des 4 archanges, il y a encore un autre dieu qui n'a rien à voir avec le dieu Tétan Mwanga, l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Je vous amène jusqu'où là? Maintenant, tous les univers. Dans chaque univers, donc l'univers galactique composé de 12 planètes est sous le contrôle d'un dieu dont le nom commence par M. Maintenant, au niveau de la planète Terre également, il y a un dieu dont le nom commence par M. Surprise, n'est-ce pas? Je dirais S, pardonnez-moi. S, son nom commence par S. Mais maintenant, ce n'est pas Satan, rassurez-vous. Ce n'est pas Satan. Satan, lui, que vous appelez Satan, il n'existe pas en tant qu'entité maléfique qui a été démonisée par les humains. Mais l'esprit du mal dont les humains eux-mêmes. Parce que quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, je l'ai toujours cité tous les jours, le livre d'Ézéchiel au chapitre 19, le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, Le livre d'Ézéchiel nous décrit bien que c'était un esprit qui était, c'est un chérubin. Un chérubin à cause de sa beauté. Et tout, et tout, et tout. Bref, je peux aller développer là-bas, juste pour vous dire que toutes les forêts du monde, tous les bois du monde entier sont gardés par des entités qui sont des gardiens du seuil des grandes richesses de Tétamouanga. Parce que quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, comme je le disais, toute la grande forêt, pour ne pas dire le jardin d'Éden, on nous dit le jardin d'Éden était gardé par qui? Mais c'était gardé par les chérubins, non? Et celui que vous appelez Satan le diable, la Bible nous dit que c'est lui qui gardait l'entrée et la sortie du jardin d'Éden. En fait, celui que vous appelez Satan, qui était un chérubin, lui, son rôle était de protéger le jardin d'Éden. Donc, c'est normalement lui qui doit protéger toute la planète Terre. La preuve en est que quand vous allez lire, pour vous qui vous lisez les évangiles, allez-y lire la lettre de Jean, la première lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean nous disent quoi? Que le monde entier gît sous le pouvoir du méchant. Même à l'église, le diable est assis. Les démons sont assis. Mais attention, celui que vous appelez diable et démon, il doit son existence aussi par rapport à votre croyance à vous, parce que vous êtes trop superstitieux. Parce que cette superstition alimente la présence de certaines entités. Et n'oubliez pas que Antitas ou entité ou égrégoria est d'origine humaine. C'est l'homme qui crée. Mais que Dieu n'a pas créé des esprits maléfiques ou des esprits mauvais, ou comme vous dites. Ça, il faut le retenir. Dieu a créé tout parfait. Un être humain qui s'oppose à la volonté de Dieu peut s'appeler Satan. Parce que le mot Satan veut dire celui qui s'oppose. Donc, nos forêts à nous, pour répondre à votre question, pardonnez-moi d'avoir été long, elles sont gardées par les génies du bien, sous la haute surveillance du Dieu suprême, celui que vous appelez Dieu. Mais souvenez-vous que l'esprit fondamental, comme on le dit, n'a pas son temps à perdre sur ces histoires-là. C'est un Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, en un mot. Donc, la réponse est oui et non. Oui, parce que ce sont vous les humains qui allez balancer les choses comme ça n'importe où, sans connaissance. Non, parce que la majorité de temps, ces forêts-là sont sous la haute protection des dieux. Y a-t-il un bénéfice à marcher pieds nus dans le bois? Oui, j'ai déjà donné un enseignement dessus. C'est recommandé de marcher pieds nus dans le bois, tout comme vous rentrez dans l'eau, pieds nus, tout comme vous grimpez sur un arbre, pieds nus, tout comme vous devez marcher sur le feu, pieds nus. Tout est important. Dans votre chambre également, vous devez marcher pieds nus. Si vous rentrez avec les chaussures dans votre chambre, vous allez amener les malheurs, les conflits, tous les maux du monde. C'est comme ça. Donc, toujours pieds nus. Dans votre chambre, pieds nus. Dans la forêt, pieds nus. Dans la cuisine, pieds nus. Hello, mate. How do you discuss with plants and understand the plants? Are you trying to say that how can you communicate with the plants and understand the language? You asking me how? I didn't tell you how, because this is going to take really a long teaching moment if I have to explain to you how. But anyway, I'm going to take the second aspect of the question, okay? The second aspect is it possible to communicate with the plants? Yes, the answer is yes. Remember, if you're born in Africa, if you go in the Congo or Brazil, all these places where they have the jungles, when you go to the jungle, I'm talking about the shamans, even here in the U.S. I don't know which part of the country you are from, but if you're here in the U.S., on the summertime, please contact me in a private. In the summertime, I'm going to bring you to some special ceremonies made by the Native Americans. If you go and observe and watch how the Native Americans are doing or making their ceremonies, you'll be so impressed. The first thing they do, they talk. And they talk in their own dialectical group language or ethnic groups. There is no special language because the plant can understand the language of its environment. Let's say if you're from Gabon and you're speaking to the plant in Ngomiene, you're speaking to the plant in Galois, the plant will listen to you. You understand what I'm saying? So, haven't you watched, like, if you were in some places, maybe some documentaries, Mrs., that lady who just passed away, Mama Rebieno, she's well known in the world, and she played a lot of documentaries and showing our shamanisms, how the shamanisms work in Africa. So, have you noticed? She were invited in South America And while the South Americans were speaking in their own language, and she was speaking in Ngomiene. Yeah. She left the English and spoke in Ngomiene. So that means what? Let me give you a practical example. All right? While we're here. Ere resino. Ininyamino. Mbela ibambo. Mbela ibambo we. Mikamba nanua bambo. Abambo yohoni mbela. Ininyamino. Mbela ibambo. Mbela ibambo mwana wa raganizo. Raganizo mwana wa wimbumba. Mbumba mwana wa winkenkere. Nkenkere mwana wa... Wamende wa okere. Okere mwana wa wimburu. Mburu mwana wa yigela gela. Gela gela mwana wa wi nambo wonjoge. Nambo wonjoge mwana wa wibebe yo. Mbuwe. Mbuwe abando wa kagisami ure matetana. Agalikewa na momba. Agalikewa agenje na banji. Abanji na kaza. Ambekere miebono. Ere rezino. Miabia gere we. Miakokia bambo mami. Wajibi ni mbela. Ibira, ibira, ibira, ibira. Ambeke bonga miokwara. Mie butaduke kubekwa miebonga miebanda ze zokuwiwo. Kebonga miebanda zino. Mie butaweko jinga. Omwanto wine kukone maboro. Kondene maboro rini nkani njuke. Ambele nchone reti reti reti ne. Wajibine mbeli ya miwe. Poswa. Pa. Pa. La peau tombe. Si elle tombe ouverte. Ça a une signification pour un initié. Si ça tombe fermé, ça a une signification. Means, what I just said, practically what I was trying to say, to show to you is that doesn't matter. The plant, the flower, a tree, before taking any part of the tree, of the plant, you have to talk to. And like I said, I just give you a single example. I was speaking in my own dialect. So that means what? The plants, the fish, animals can understand any language. They understand the language of the people from where they live not to God. If the animals live in America, those animals will listen English. That's why if you go to, a shelter, try to get a dog, yeah, well, the person going to speak in English. Hey, Rocky, come over here. And the dog will shake its tail, right? But you, when you're going to say in French, hey, Rocky, the dog is going to say, what the hell are you talking about? It starts barking on you. Why? Because the dog cannot understand your language. Sorry for being long. So means, yes, the plant, anybody can talk to the plant. You can do so as well. But please, if you go in Africa, you go Gabon, don't speak in English because that plant is going to look at you like, what the hell are you talking about? Are you here in the jungle from Gabon? And in Gabon, hey, you can speak in Teke, you can speak Bakwele, you can speak Ngomiene, you can speak Shira, Punu, Fan, Obamba, whatever language from the root, you can speak it. And the plant will listen to you. Do you understand what I'm saying? So there is not to tell you, you got to take this out of your mind that there is no special language. I can say it silently. Yes, I can say it silently, and the plant will listen to me. Okay? Ça, c'est pour la personne qui m'a posé la question en anglais. Est-ce que les gens ont besoin que j'explique cela en français? Donc, la personne m'a demandé comment est-ce qu'on peut communiquer avec la plante? Y a-t-il un langage spécial? J'ai dit non. La plante s'adapte en fonction du milieu où vous êtes. La plante s'adapte du milieu où vous êtes. Si dans l'endroit où vous parlez, par exemple, Bakota, ou bien vous parlez le Fang, les plantes là que vous allez apprendre, comme je viens de faire le rite là, vous coupez, vous parlez à l'arbre pour prendre l'écorce, pour soigner quelqu'un. Je l'ai parlé en Ngomiene. Et la plante va vous écouter. Pourquoi? Parce que vous avez donné déjà votre adresse. Que vous êtes l'enfant de, par exemple, Mbametoro. Mbametoro, Mwanon, Mbobian. Mbobian, Mwanon, Ngema. Ngema, Mwanon, Nze. Nze, Mwanon, Bingoum. Bingoum, Mwanon, Ngonfong. Donc, quand vous avez donné cette adresse là, vous vous êtes connecté donc à votre lignée ancestrale qui est du peuple Kang. Qui est du peuple, par exemple, Ntoumou. Mais l'Ntoumou, il parle quelle langue? Donc, c'est à travers cet arbre que le mec Ntoumou, c'est l'ancêtre qui répond. L'arbre obéit à votre code en fonction du langage que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue spécifique où vous allez parler du charabia que l'arbre va vous écouter. Non, non, non, non, non. C'est la même chose. Je lui ai donné l'exemple du chien. Ici, aux États-Unis, vous allez dans ce qu'on appelle le shelter, un endroit où les chiens qui ont été rescapés, les chiens qui ont été ramassés à gauche, à droite, bon, mais on les a traités, maintenant, veulent de nouvelles familles, donc des maisons d'adoption. Alors, le chien, la personne qui va vous donner ce chien-là dira, « Hey, hey, Rocky, viens ici, là. » Bon, la personne parle en anglais. « Hey, come over here. » Le chien bouge la queue parce que ce chien a grandi dans un milieu où les gens ne parlent qu'anglais. Maintenant, toi, tu vas dire, « Rango mienne, arroise boko jorounou, ou amène tes fesses ici. » Le chien va même t'aboyer. Dit, toi, tu parles quoi, là? Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que le chien ne comprend pas ton langage. J'espère qu'on s'est compris sur cet aspect-là. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? Y a-t-il un risque? Non, ça, j'ai répondu. Oh, you're welcome. Y a-t-il... OK, I already answered that one. Les esprits que l'on retrouve dans le bois sont-ils les plus puissants que les esprits que l'on retrouve dans les eaux? Bien. Il faut retenir ceci. Les esprits que l'on retrouve dans les grandes forêts, je ne peux pas dire qu'ils sont plus puissants, mais ils sont plus nombreux. Mais, écoutez, chaque élément... Il y en a quatre éléments, n'est-ce pas? Il y en a quatre. J'ajouterai même cinq. Mais arrêtons-nous aux quatre éléments que tous les humains connaissent. De tous ces quatre éléments-là, l'élément terre a ses entités. Et ce sont ces entités qui peuplent. Mais dans ces entités qui peuplent l'élément terre, il y a parfois un mélange. C'est-à-dire qu'il y a parfois les esprits de l'élément eau qui viennent s'accrocher et vivre en harmonie avec les esprits de l'élément terre. Donc autour des petits marigots, aux petits cours des petites rivières. Par exemple, les esprits qu'on appelle les ondines, les esprits de l'air ou les salamandres, les esprits du feu, ils peuvent venir là. Mais seulement quand il y a une grande forêt, par exemple en Californie, j'ai eu l'opportunité d'observer ces esprits du feu, les salamandres. Ils sont très actifs. Et ce sont ces esprits de salamandres là, normalement, qu'il faut invoquer quand vous avez des problèmes d'incendie. Parce que ça, c'est leur rôle, c'est de vous aider à maîtriser ces choses-là. Bref, répondre à votre question, est-ce que ces esprits sont plus puissants? Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que y a un renfort, mais le renfort est causé du fait que la planète Terre en elle-même n'a pas seulement que les Massiki ou les gnomes qui sont ces esprits-là, mais au-dessus de ces esprits, il y a aussi des esprits plus puissants qu'eux. Au-dessus de ces esprits, il y a des entités plus puissantes. Mais sinon, les archanges, ce que vous appelez les archanges, c'est-à-dire des entités qui sont les plus puissants, créés directement à l'image des grands dieux là-bas, en dehors des Elohim qui nous ont créés là. Mais ces esprits-là sont plus puissants que d'autres. Il y a une catégorie, ce qu'on appelle les chérubins, les séraphins, même les principautés, même les anges servants et tous ces mecs-là. Donc chacun a un niveau dans la théologie chrétienne ou encore dans l'étude de l'ontologie et ce qu'on appelle la théosophie. Voilà, la théosophie nous donne un classement de toutes ces entités en fonction de leur pouvoir et des délégations qu'ils ont. Donc, pour vous dire que les esprits de la terre sont plus puissants, non. Je dirais plutôt que les esprits les plus puissants, ce sont les esprits du feu. Mais ces esprits du feu, ils siègent à quelques degrés seulement du grand créateur de l'univers, de l'énergie fondamentale. Donc, par ordre, je peux dire, les esprits les plus puissants sont les esprits du feu, suivis des esprits de l'eau, des esprits de la terre et des esprits de l'air. Parce que les esprits de l'air, leur rôle, c'est de beaucoup plus d'inspirer. Ils ne sont pas là pour faire du mal aux gens. Mais les esprits qui font plus au mal aux gens sont les esprits des eaux et les esprits du feu. Ceux-là, ils ne blaguent pas. Voilà pourquoi ils sont souvent sollicités dans la destruction des talismans, dans la destruction des fétiches. Donc, mes résumés, la réponse est non. Les esprits de la terre ne sont pas plus puissants que les esprits des eaux. On avance. Dans le bois, il y a plein de génies et parfois des endroits qui donnent des frissons. Est-ce qu'il faut s'en éloigner? Dans le bois, il faut faire une méditation avant d'y entrer, car c'est un temple. Bien, je crois que j'ai répondu à cette question que quand j'étais en France, je faisais un petit cérémonial entre deux arbres. Oui, je réponds au troisième aspect de votre question. Oui, il faut faire un petit cérémonial. Moi, c'est parce que j'ai été initié. Avant de rentrer dans la forêt, il y a deux arbres. Mais ces deux arbres-là, il faut les localiser. Est-ce que c'est à l'entrée du nord, à l'entrée du sud ou de l'est? Vous n'allez pas rentrer n'importe comment, sinon vous allez vous faire gifler. Il faut l'autorisation du gardien de cette forêt. Parce que dans chaque forêt, il y a un grand gardien mystique. Ces gardiens sont des entités de haute dimension, c'est-à-dire des entités de haut pouvoir, qui sont là par l'autorité et l'autorisation de Tétan Manga Diwanga Manga. Par conséquent, on l'appelle même le chef et le gardien de cette forêt-là. Donc, il y a une entrée qu'il faut demander l'autorisation. Parce que lui, en tant que chef de cette entrée de la forêt, il commande à la fois les esprits qui font le mal et les esprits qui font le bien. Donc, lui, il est là. Si tu ne demandes pas l'autorisation, il ne va même pas te protéger lorsque les esprits du maire Zmniba Zassano, vous m'avez mentionné à la première question que, mais comment, il n'y a pas des esprits qui vont nous agresser. Donc, je vous ai expliqué que les esprits-là, que les féticheurs, les charlatans, les prêtres, les pasteurs vont faire des délivrances dans les forêts n'importe comment. Au lieu de savoir, là, il faut chasser ces âmes-là, de ces entités. Donc, en effet, oui, il faut forcément cette autorisation de l'esprit. Donc, j'ai pris l'aspect de la troisième et de la dernière question. Il faut effectivement que il y ait effectivement une autorisation avant de rentrer, puisque c'est un temple. Oui, je l'ai dit. Maintenant, faut-il faire une méditation? Oui, vous devez méditer. Quand vous rentrez là-dedans, vous ne partez pas seulement pour penser et regarder la nature comme ça. Vous devez méditer. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits, comme vous l'avez si bien dit, qui donnent des frissons, n'est-ce pas? Mais ces frissons-là ne veulent pas dire par là que c'est un démon ou bien un esprit qui va venir te gifler. Non, les frissons, c'est le résultat de votre esprit. Ça dépend de votre taux vibratoire. Une fois de plus, on revient sur les fréquences vibratoires. Maintenant, si vous avez atteint un niveau spirituel tellement élevé, votre taux vibratoire est tellement fort, ces frissons-là vont avoir une fréquence basse. Mais si vous êtes fragile, vous n'êtes pas très fort mystiquement, ces frissons auront tendance à vous effrayer. Vous aurez la présence, vous sentirez une présence de froideur, une présence de chaleur, et ainsi de suite. Pour nous qui faisons la haute magie cérémoniale, par exemple, lorsque nous invoquons les entités telles que les archanges et autres, et les grands génies de la haute cabale, souvent quand ils se présentent, c'est un grand froid, et c'est des tonnerres qui frappent et tout cela. Et quand ils sont présents, c'est le froid qui inonde toute la salle, parce qu'ils viennent dans des hautes fréquences qui sont au-delà de la planète Terre, au-delà de la planète Mars, voire Saturne. Vous vous imaginez? C'est des milliards et des milliards de kilomètres où les températures sont en dessous de 1000 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tel que si vous allez à la planète, par exemple Saturne, ou la planète, bon, Mars, tout le monde sait, il fait très chaud. Mais si vous partez à la planète Vénus, voilà, Vénus par exemple, les températures sont négatives 10 000. Donc, ces entités, si elles viennent de là-bas, en fonction du degré de machin, du nom de l'entité que vous avez fait appel, mais vous verrez que la salle peut donner un froid terrible et que vous, si vous n'avez pas un taux vibratoire mystico avancé, vous allez prendre un coup. Et j'ai vu des opérateurs, malheureusement, je me rappelle un incident en 99 au Gabon. Le mec est venu faire ce rite-là, un frère maçon, et pourtant qui était un grand maître, mais il est tombé cardiaque, calboigné. Pourquoi? Parce que l'entité s'est présentée. Il a bien suivi le code que je lui ai montré, mais et à cause du taux vibratoire. Donc, les frissons, je développe tout ça à cause du mot frisson que vous utilisez là. La frisson est simplement la résultante de la rencontre de votre esprit avec l'esprit de l'au-delà. Parce que tout est taux vibratoire. Il s'agit de l'esprit, il ne s'agit plus du corps physique. Le corps physique n'est qu'une enveloppe. Le corps physique n'est qu'un cercueil, une carcasse. Donc, mais il s'agit de vous. Voilà pourquoi je dis toujours dans mes enseignements que vous êtes esprit avant tout. Et quand vous êtes esprit, vous devez avoir votre esprit éveillé et cultivé et développé. Il n'est pas question de vivre dans des peurs n'importe comment. Donc, ces frissons, tout simplement, ne doivent pas vous faire peur. Ce n'est pas forcément des démons. L'esprit, même l'esprit saint donne des frissons. Bien, la question suivante. Est-ce qu'il est bien d'aller dans le bois, dans la nuit, pendant la lune, la pleine lune? Qui vous a interdit? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bon de le faire. Now, another question in English. Why do Chinese people and Kung Fu and all martial arts masters, they drink tea? Does it have something spiritual benefit or physical? Well, you're asking somebody who's in martial arts, yes. Most of Chinese, it's not only Chinese, yes, but according to the Chinese tradition and the Japanese tradition, the tea they are drinking is not any type of common tea drunk or drinking or by anybody. No, no, no, no. It's not a regular tea. That's what I meant. It's not a regular tea like the Lipton tea or whatever tea you're going to find in the market. These teas are really a mixture. It's a mixture of different leaves, and those leaves gives you power, the power of punches, and the power of of jumping, the power of healing, the supernatural power. That's why they drink that tea. And you see, most of these masters, they are like 75, 80 years old. How the hell somebody who's 80 years old is still be fighting like a tiger, jumping around? So that tea, actually, or those teas are made through or based on some natural plants. Okay, that's what I can say. You heard about the ginseng tea, the ginseng tea or green tea and all kinds of teas. Now, what's the next question? Mbolo, yeah, Mbolo. Atatanjimpondo Mbolo. Les Mukukwe sont les gardiens de la forêt. Bon, les Mukukwe, je dirais oui et non. Pourquoi oui? Ben, si vous êtes le lambarné comme moi, les vrais Mukukwe, je vous avais parlé de quelque chose qui s'est passé en 1973-74 à lambarné. Les vrais Mukukwe, on les voyait danser sur l'eau. Les vrais Mukukwe, on les voyait danser sur je ne sais quoi. Mais ça dépend de ce que vous appelez Mukukwe. Parce que si on parlait de Kukwe qui est Okui, oui, Okuku Okui vient loin. Ça vient de loin. Ça ne vient pas de l'être humain n'importe comment. Il faut être initié. Ça, c'est une question très profonde, mais oui, ils viennent de nos forêts. À l'origine, ils viennent de nos forêts. Voilà. Et même nos frères initiés, quand ils vont à sa rencontre pour le faire appel, on ne va pas le prendre dans une maison. Hein? Ça ne se... Bon, malheureusement, dans les grandes villes aujourd'hui, à Libreville, Port-Gentil, on les voit, ils sortent n'importe... Mais il y a toujours un arbre, il y a toujours une petite forêt à côté qui symbolise que ça vient de la brousse. Donc, la réponse est oui. Autre question. Maître, pourquoi la forêt des abeilles est-elle particulière? Est-ce qu'il existe des portes dimensionnelles dans cette forêt? Oui, ce qui fait de cette forêt une forêt particulière, c'est parce que beaucoup d'initiés, y compris votre homme serviteur, j'y ai été. Il y a eu des disparitions bizarres aussi de certains individus, que Dieu ait leurs âmes, mais d'autres ont disparu, ils vivent toujours. On nous a fait croire qu'ils sont morts. Oui, le deuxième aspect de la question, c'est une porte d'entrée. Oui, ce qu'on appelle, ce sont des portiques. Je donne un enseignement dessus. Vous avez dans la zone de Lambaréné, quand vous partez vers le lac Kazingo, avant de rentrer dans le lac Kazingo, il y a un endroit qu'on appelle Adegelié. Donc, Adegelié, c'est aussi une entrée portique. C'est un portail vers d'autres dimensions. Et la forêt des abeilles, également, oui. La réponse est oui. Parce qu'il y a certaines forces telluriques. Donc, là où il y a des forces telluriques électromagnétiques assez puissantes où les avions ne peuvent point traverser, où les bateaux ne peuvent point passer, comme le lac Adegelié, comme la zone le lac de la forêt des abeilles. Il y a une autre zone également vers la zone de Mekambo. Donc, tout cela, ce sont des portes tridimensionnelles qui vous amènent à d'autres dimensions inaccessibles par le commun des mortels, mais ou qui vous permettent de rentrer dans d'autres mondes parallèles. La réponse est oui. Est-ce conseillé de rentrer dans les bois ou encore la forêt tout en ne sachant pas se présenter aux entités ou encore ne connaissant pas le portail de la forêt et c'est un danger? La réponse est oui et non. Mais si vous entrez simplement comme un simple DBD, comme on dit chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas des principes mystico-spirituels, vous rentrez dans la forêt, il n'y a aucun mal. Souvenez-vous, à l'ouverture de mon enseignement, je vous ai bien dit que l'objectif premier, c'est d'abord vous détacher de tout ce bruit-là pour vous permettre d'être vous. Ça, c'est le premier degré. Maintenant, le deuxième degré, si vous êtes un homme spirituel ou une femme spirituelle, vous avez d'autres sensations et expériences que le commun des mortels ne pourra point expérimenter. Seul vous, vous pouvez expliquer cela à d'autres personnes. Donc, la réponse est oui, vous pouvez rentrer dans la forêt, vous n'êtes pas obligé de vous présenter aux entités. Mais il est quand même conseillé qu'il faut d'abord prendre des renseignements. Est-ce que la forêt, là où moi je vais rentrer, quelle est l'histoire de cette forêt? Par exemple, la forêt du Havre, là où j'ai été, je connais son histoire. Pour ceux qui étaient là, ils étaient surpris. Je leur ai fait une historicité de cet endroit. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Mais ce sont les entités qui m'ont informé que quelques siècles bien avant, avant que le Havre ne devienne une propriété des Balans, ben, il y avait un peuple qui habitait là. Et ensuite, il y avait certaines personnes qui étaient amenées en esclavage, qui ont vécu longtemps dans cette zone-là et qui ont été enterrées là. On était surpris qu'il y a eu beaucoup même des Noirs, des corps des Noirs, des âmes des Noirs qui étaient enterrées dans cette zone. Je parle du port du Havre, et le Havre qui est l'une des belles villes portuaires de la France, qui est d'ailleurs le deuxième port le plus important de l'Europe. Pouvez-vous m'instruire à nouveau sur le fait d'avoir mal à la tête du côté gauche? Oh là là, non, là il faut étudier le phénomène des douleurs, ok? Même là, Google peut vous le montrer. Hein? Il y en a quatre, les douleurs. Il y en a quatre formes de douleurs. Il y a la douleur qui dit que vous avez faim. Il y a la douleur qui montre que vous avez une attaque mystique. Mais souvent, la douleur du côté gauche, seul le côté gauche, ça, c'est l'attaque mystique. Si c'est le côté droit, ça n'a pas d'attaque mystique. Il n'y a rien de sorcier. Mais si c'est la faim, c'est souvent au-dessus de la tête. Si c'est derrière la tête, soit c'est des critiques ou quelqu'un. Donc, il y en a quatre, il faut considérer cela. Au-dessus de la tête, à gauche, à droite et derrière la nuque, ça fait quatre. Voyez-vous, il faut comprendre que les douleurs que vous ressentez dans les différentes zones, Si vous avez faim, que vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas bien reposé, ça peut expliquer une douleur qui viendra au-dessus de votre tête. Mais j'insiste que ça, quand c'est beaucoup plus du côté gauche, c'est souvent lié avec votre corps encéphalique qui est lié avec ce qu'on appelle le troisième sens ou le sixième sens ou encore au niveau de l'épiphyse qui est le centre de votre âme. Donc, le côté gauche est lié avec votre âme. Et quand on parle de l'âme, votre divinité. Et quand on parle de votre divinité, c'est votre esprit. Et quand on parle de votre esprit, c'est là où le sorcier attaque. Et quand on parle de là où le sorcier attaque, en général, quand vous tombez malade, toute maladie est d'abord spirituelle. Donc, quand on vient vous attaquer, que vous tombez malade, la maladie n'est pas forcément physique, car elle est d'abord spirituelle. Tout part de l'esprit. Et maintenant, la science va vous dire que la maladie part du microbe. Mais le microbe accède par comment? C'est à travers les germes, le toucher, ceci. On vous demande de laver les mains. Parce que notre corps est une porte d'entrée des microbes, est une porte d'entrée des forces nocives et nous-mêmes. Et notre corps également est une entrée des démons et des génies. C'est tout ce que je peux vous dire. Peut-on dire que ce sont les gardiens des forêts qui permettent aux chasseurs d'aller, ainsi de suite? Oui, dans les pays bien organisés, souvent, la plupart des gardiens des forêts, c'est des grands initiés, ce n'est pas n'importe qui. Et la plupart, effectivement, des chasseurs qui rentrent dans ces milieux, c'est des hommes initiés. J'en ai terminé, merci beaucoup. On a fait le tour de toutes les questions. Que Tétan Mwangari-Wanga-Wanga vous bénisse, parce qu'il y a l'un de mes enfants là qui est en train de me regarder, il s'apprête à vouloir me balancer un autre enseignement. Donc, je veux pouvoir libérer la ligne. Il va balancer un enseignement tout à l'heure là. Mais sinon, vraiment, merci beaucoup d'avoir bien posé vos questions. Et voyez-vous là à quoi ça nous a entraîné sur cette question sur le temple. Ça nous a vraiment amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est dire que tout est parti du jardin d'Éden. Et de ce jardin d'Éden, nous avons compris que aller de temps en temps dans le bois, Battery, ce n'est pas seulement une 89%. affaire de balade inutile, Guys Galaxy mais c'est pour aller nous 0205G ressourcer. connected. C'est aller nous ressourcer, non seulement aller nous ressourcer, mais pour prendre les pouvoirs. Et ces pouvoirs, nous n'allons pas les prendre auprès de quelqu'un ni un esprit. Nous les prenons en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes un petit temple qui réside dans le grand temple de Tétamou. Mais le bois, c'est le langage du bois, c'est le langage ancien. Mais ce bois, c'est d'abord le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, les écrits anciens nous disent que Dieu planta quatre arbres. Et de ces quatre arbres, il y a eu une multiplicité d'arbres. Mais au milieu de ces quatre arbres, il mit deux arbres. Ça nous amène au nombre 6. Et c'est ainsi que Tétamou, quand il a créé tout l'univers, on nous dit quoi? Qu'il a créé tout en 6 jours. Et que le septième jour, il se reposa. Je répète que dans le jardin d'Éden, il y avait quatre arbres tout au coin qu'il a créé. Et ensuite, il mit les deux arbres spécifiques. L'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme avait touché. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir connaissance, accès à ces connaissances à l'ère du Verseau. Mais il y a le deuxième arbre, c'est le deuxième arbre, c'est l'arbre de l'éternité ou de l'immortalité. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans le monde de la spiritualité, l'objectif final, c'est l'immortalité. Et pour être sur cette voie de l'immortalité, vous n'êtes pas être esclave de quoi que ce soit. Ni esclave du sexe, esclave de la nourriture, esclave du vin, esclave de quoi que ce soit. En réalité, vous devez vous détacher de tout. Vivre dans le détachement total, pour être clair. Si cela vous effraie, je ne vous demande pas de le faire. Mais moi-même, je dois mener un grand combat sur ça. Et quand on parle du détachement de tout, c'est-à-dire ni enfant, ni femme, ni qui que ce soit, ni travail, même les voitures, tout, vous laissez l'argent. Parce que tout cela bloque votre processus d'avancer vers le royaume céleste. Pas un royaume céleste comme certaines religions l'entendent, mais ce royaume céleste, tout simplement, vous permet d'être un avec le tout. Chanson de Maman Poussée. Libye, les femmes djembe, elles vont dans les sorées. Elles vont dans le bois. Elles vont dans la brousse. Elles vont dans la jungle. Elles vont dans la forêt. C'est dans le bois que vous irez trouver votre pouvoir. Voilà pourquoi il faut aller de temps en temps dans le bois. Même la femme djembe va de temps en temps dans le bois. La femme du bébé, l'homme du Bouété, c'est dans la forêt, c'est dans le bois qu'on va chercher son pouvoir de Bouété. Dans l'Ondjobi, c'est pareil. On vous demandera de rentrer dans le bois. Donc, vous comprenez? Il faut aller de temps en temps dans le bois. Car cette invitation d'aller dans le bois vous permettra de rentrer en possession de votre pouvoir. Rentrer en possession et en contact avec la maman du djembe, avec la maman de Bouété, avec la maman de notre vie, la maman originelle. Et vous amènera directement en connexion avec Kétamoua, Ivan Gavan, l'être suprême, qui est au-dessus de nous, donateur de la vie, détenteur de la vie, libre de nous arracher sur ce souffle de vie quand il voudra et comme il voudra. Qui sommes-nous pour nous opposer de rentrer dans le bois? Il faut rentrer dans le bois, je vous en prie. Arrêtez de dire non, arrêtez de bouder quand vous demandez de rentrer dans le bois. Le bois en question, on vous demande de rentrer, c'est de pouvoir faire cet isolement psychique, de vous couper de temps en temps du monde. Éloignez-vous de tout ce qui vous bombarde, comme le dit cette belle dame dans sa chanson. Anekenda Ressore, et sore, Robongue, Ngoulou, Robongue, Lombe Imama. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Maman Poussi a tiré la conclusion. Elle a tiré la conclusion de l'enseignement de ce soir, qu'il faut aller de temps en temps dans le bois. Pourquoi faut-il aller de temps en temps dans le bois? Elle vous a dit, elle vous a donné la réponse dans sa chanson. C'est pour aller prendre votre pouvoir. C'est pour aller récupérer votre pouvoir. Parce que ce pouvoir est perturbé par des ondes nocives. Ce pouvoir est perturbé par les moyens de télécommunication, par le téléphone et toutes ces histoires-là, les radios, télévisions, ceci, le bruit des gens, les micro-ondes, l'électricité, les voitures, tout cela nous coupe de notre relation avec le bois. Donc le bois, c'est le jardin d'Éden. Le bois est Sore, dont parle notre maman dans sa chanson. Anure go finya ke sore. E go mbeze kenda nwe go sore. Neke datana ni tata, neke datana ni mama. Go bonge lombe ya yemeno. Ambe eke bonga we lombe yemeno. We fe lo singi. Eke bonga o singi me wono. O singi we tebiza o kili. Ambe eke tebiza o singi, ke tebiza o kili. Ndora nga kere rere. E rere ze kokoni hiboga. Di boga. Ngajen. Kambo iboga, nye dato be, gerere. Le bois sacré qu'on appelle Iboga, on trouve ça où? Toujours dans le bois. Donc, vous verrez que cet enseignement aura une compilation, une compréhension assez élargie et d'abondantes explications métaphysiques. Alors, les entités n'ont pas eu tort de me demander de parler de cela. Que Tétamouanga, Divanga Vanga vous bénisse. Merci, merci. Bonne soirée. Merci encore. Merci.